Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Infox, fake news et propagande, des questions toujours au cœur de l'actualité. Oui, mais qui a inventé la propagande? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui a inventé la propagande, l'art de manipuler les masses? Bien sûr, nous pensons au régime totalitaire avec la sombre figure de Goebbels, ministre nazi de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich. Nous pensons aussi à la terrible propagande stalinienne. Pourtant, la propagande existait avant de l'Antiquité à nos jours. Oui, tous les pouvoirs veulent imposer leur idée. Et si les démocraties avaient inventé la propagande de masse? Lisons le journal patriotique du département de la Dordogne, le 27 mars 1791, en pleine Révolution française. Lorsque nous nous sommes chargés de l'espèce de censure qui résulte de l'opinion publique, nous avons contracté envers nos lecteurs l'engagement formel d'être juste et courageux. Qui écrit cela? Il s'appelle Pierre-Éléonore Pipot des Granges, oui, un avocat qui s'intéresse à la Révolution. Alors, qui est le premier à avoir joué du pipeau? David Colomb, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. David Colomb, qui a inventé la propagande? Mais la question nous oblige à regarder sur un temps très long, parce que dès qu'il y a pouvoir, il y a volonté d'imposer ses idées. Dès qu'il y a parole, il y a tentative de persuasion. Et la propagande, à ce titre, est aussi ancienne que la parole. Elle a une histoire que Jacques Ellul a jadis retracée et qui parcourt les siècles. Cela dit, la propagande de masse, elle, attend l'avènement des masses pour devenir une réalité. Nous sommes à quel moment? Nous sommes aujourd'hui dans une période qui est celle de ce que j'appelle la propagande totale, c'est-à-dire une propagande omniprésente à laquelle il est très difficile d'échapper dès lors que l'on passe beaucoup de temps sur les écrans, et une propagande d'une technicité et d'une efficacité redoutable. David Colomb, vous êtes professeur agrégé d'histoire, chercheur à Sciences Po. Vous, à Sciences Po Paris, vous enseignez l'histoire de la propagande. Ah ben ça tombe bien, les techniques de persuasion et l'éthique de communication. Vous êtes l'auteur de Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, publié chez Belin et publié en poche chez Flammarion. La manipulation de masse dans le monde contemporain a une histoire. Cette histoire s'inscrit, alors c'est étonnant, mais pour le vocabulaire, le mot propagande, dans l'histoire religieuse. Absolument, la Congrégation pour la propagation de la foi au XVIIe siècle, puisque la propagande a pour origine la volonté de la papauté, non seulement de développer une orthodoxie, mais une orthopraxie dans le cadre de la réforme catholique. À quel moment, en fait, cette propagande telle qu'elle est définie, alors de manière religieuse bien sûr, peut être reprise par un pouvoir? Un pouvoir royal a-t-il besoin de propagande? Il est tellement évident. Si l'on entend, comme je le fais, par propagande, le fait d'agir, d'influencer les masses afin d'influencer leurs attitudes et leurs comportements, alors tout régime politique a besoin de recourir à la propagande, sans exception. Cela dit, la France a un temps d'avance avec la Révolution française, avec l'introduction d'une nouvelle forme de propagande politique particulièrement bien organisée, institutionnalisée, où les fêtes et les arts sont mobilisés, notamment Jacques-Louis David, au service de la persuasion de masse, mais d'une masse encore relativement restreinte. La propagande sous la Révolution est un moment particulier, mais quel sens a le mot propagande alors? A-t-il le sens négatif que nous lui connaissons aujourd'hui? À l'époque, on parle d'esprit public pour qualifier l'opinion publique, et la propagande est doté d'une connotation améliorative, positive, précisément parce qu'il s'agit simplement de propager des idées. Et à ce titre, elle participe d'une société qui fait de l'information le centre de son pouvoir et le cœur de son projet politique. Et dès lors, il faut des moyens pour propager ces idées. La Révolution française est un moment exceptionnel parce que c'est un moment de foisonnement d'idées, mais pas seulement d'idées, c'est un moment de foisonnement des journaux. Par exemple, le développement technique permet aussi de porter la propagande. Le développement et la naissance de l'espace public, tel que décrit notamment par Habermas ou Kozelek, a été en effet un moment clé. Napoléon, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a eu à cœur de se servir des journaux pour développer une propagande à sa gloire. Et si l'on analyse cela sur la longue durée, on constate qu'à la fin du XIXe siècle, comme Gabriel Tarde l'avait relevé, naît une opinion publique à l'échelle de la nation tout entière. Et c'est à ce moment précisément que se cristallise en quelque sorte cette propagande de masse qui devient l'alpha et l'oméga de tout gouvernement ou de tout pouvoir ou de tout aspirant au pouvoir. Étonnant de voir cette propagande se développer, s'inscrire, s'organiser au XIXe siècle, au moment où la démocratie elle-même se met en place. David Colomb, nous parlons de la Révolution française et la chose est évidente sur la participation du peuple. Nous parlons de Napoléon, propagande évidente, les bulletins de la Grande Armée, malgré tout avec un suffrage universel masculin. Est-ce que les deux vont de pair? Est-ce que la propagande et l'avancée de la démocratie marchent main dans la main? J'écris que la propagande est fille de la démocratie. À la différence des régimes totalitaires, les régimes démocratiques ou les monarchies constitutionnelles ne peuvent pas s'appuyer sur le pouvoir militaire ou la police. Chomsky, jadis, a écrit que la propagande est aux démocraties ce que la matraque est au régime autoritaire. Et c'est pourquoi ce lien entre la propagande et la démocratie est, à mon sens, consubstantiel. Il est nécessaire d'encadrer les masses et de les orienter politiquement. Eh bien justement, nous allons écouter Noam Chomsky, donc linguiste engagé, hein, disons-le, qui évoque la propagande reliée à la démocratie. In a totalitarian state, state power produces the party line. Dans les États totalitaires, c'est l'État lui-même, la tête de l'État, qui décide de la ligne à suivre. And you have to adhere to it. Et chacun doit s'y conformer et s'y soumettre. In democratic societies, it doesn't work like that. C'est différent dans les sociétés démocratiques. The party line is never articulated. It's presupposed. La ligne du parti n'est jamais énoncée comme telle. Elle est sous-entendue. Presupposition. It encourages passionate debate. Et dans ces présupposés, dans ces sous-entendus, là, on pourrait y avoir, dans ce cadre strict des présupposés, un débat passionné, mais qui sera limité à tout ce qui n'est pas dit. Now, the system in the democratic societies is very effective. It instills the party line because nobody even questions it. It's like the air you breathe. You don't look at it. Dans les sociétés démocratiques, la ligne directrice, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire. Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue et donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux. That's a very effective system. Works much more effectively than in a totalitarian state. C'est très efficace comme système et que ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires. Noam Chomsky, qui s'exprimait dans l'émission de France Inter, là-bas si j'y suis, c'était en 2007. David Colomb, c'est intéressant parce que Chomsky est un intellectuel qui vient des États-Unis. États-Unis, démocratie s'il en est. Et c'est intéressant de voir sa réflexion venant du berceau de la démocratie. Le berceau de la démocratie est en même temps celui de la propagande de masse. C'est aux États-Unis que sont nées les relations publiques à la fin du 19e siècle. C'est aux États-Unis que sont nées les firmes de publicité modernes et les techniques modernes de publicité. C'est aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale avec le Committee on Public Information qu'est née la première entité majeure de propagande de masse à destination de sa propre population. Et cela tient précisément au fait, comme Chomsky l'expliquait dans cette émission, que, en démocratie, il s'agit de conduire les individus à faire le bon choix librement et non pas à les y contraindre. Et les techniques permettant de conduire les individus d'eux-mêmes à faire le choix que l'on attend d'eux sont des techniques qui n'ont cessé de se perfectionner depuis la fin du 19e siècle et jusqu'à nos jours. La propagande existait avant la Première Guerre mondiale. David Colomb, vous parlez des États-Unis. Quelle est l'importance de cette Première Guerre mondiale pour mettre en place une propagande organisée qui est un peu l'ancêtre de celle que nous connaissons aujourd'hui? Il faut se replacer un instant dans le contexte. Le président Wilson a été réélu sur la promesse de ne pas engager les États-Unis dans la guerre. Or, il déclare la guerre et engage son pays dans une entreprise militaire de grande ampleur. Il doit pour ce faire recourir au financement de la guerre par l'emprunt. Il doit également recourir au recrutement de volontaires pour aller se battre. Et cela rend nécessaire la constitution d'un organe de propagande d'une ampleur inédite, dans lequel le journaliste Georges Krill recrute les meilleurs publicitaires, les meilleurs psychologues de l'époque, pour mettre en œuvre des opérations de propagande qui s'appuient sur les techniques les plus modernes. Le cinéma qui vient d'être inventé est mis au service de la propagande, tout comme la radio, et des techniques novatrices sont également initiées, qui plus tard seront reprises par les régimes totalitaires. N'oublions pas que Adolf Hitler, dans Mein Kampf, écrit son admiration pour cette propagande qui a été mise en œuvre pendant la Première Guerre mondiale par les adversaires de l'Allemagne. Et il a eu à cœur, jusqu'à sa mort, de développer en Allemagne des outils de propagande comparables, au besoin en empruntant certaines des techniques dites américaines. Dans ces techniques, il y a celles que nous imaginons très facilement. Il y a le document, l'affiche par exemple, « I want you for US Army », qui est une évidence, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des actions, des happenings même, on pourrait dire. Vous faites référence ici aux 4 Minute Men, les hommes de 4 minutes qui étaient des notables recrutés sur la base du volontariat pour porter la bonne parole gouvernementale dans tous les rassemblements, que ce fût à l'église ou dans des associations ou dans des stades ou surtout au cinéma, à l'entracte. Ce sont des millions de discours qui ont été ici portés auprès des Américains, mais plus encore, c'est une technique nouvelle, celle du recours à ce que l'on appellerait aujourd'hui des influenceurs, qui a été mise en œuvre à une très très grande échelle. Donc des techniques qui se mettent en place, qui se construisent, qui sont efficaces, où la propagande est une évidence. La propagande est une évidence, même pour les témoins, Raymond Dorgelès. Il ne fallait pas espérer d'autres distractions dans ces mornes villages de l'arrière. Pas une jolie fille à qui sourire, rien que des vieilles affichues qui vous vendaient du mauvais vin rechignant. Alors, faute de cabaret, on se réunissait à la cuisine roulante, et pendant que le cuistot, debout sur sa machine, touillait la soupe avec un échalas, nous écoutions avec méfiance les cyclistes du colon et les téléphonards débiter de surprenantes nouvelles. Notre régiment était envoyé aux Dardanelles, les conseils de guerre étaient supprimés, on attendait le renfort des Sénégalais pour déclencher l'offensive. Parfois on les faisait taire. « C'est du bourrage, tu nous prends pour des glands !» Mais s'ils annonçaient quelque chose d'heureux, on y croyait quand même un peu. Les journaux aussi nous trompaient. Quand arrive en repos après une attaque meurtrière, nous lisions dans le communiqué que nos pertes avaient été légères, les imprécations éclataient. Et ceux qui sont restés en haut de la crête, on n'en parle pas. Et ceux qu'on achetait dans la fosse, ils ne les ont pas comptés, ces salauds-là. Raymond Dorgelès, l'auteur des Croix de Bois, qui évoque ses souvenirs des nouvelles qui sifflaient à ses oreilles comme des balles. Raymond Dorgelès est conscient de la propagande. Le son est intéressant parce qu'il dit que, en même temps, il sait que c'est faux, mais ça le rassure. Comment se construit cette conscience de la propagande ou l'acceptation même de cette propagande au moment de la Première Guerre mondiale? En France, il s'agit de la part des journaux d'abord d'un engagement volontaire au service de ce qui apparaît comme l'intérêt national. Les journalistes les plus âgés ont souvenir de l'expérience désastreuse de 1870 lorsque certains journaux parisiens avaient indiqué l'emplacement des troupes françaises, aidant ainsi bien involontairement l'ennemi. De sorte que les journaux ont accepté, sans la moindre critique, de publier toutes les informations émanant des services de propagande de l'état-major. Ce faisant, il s'agit bien évidemment de mobiliser les soldats, mais plus encore l'opinion publique dans le cadre d'une guerre longue. Et c'est là la grande particularité de la Première Guerre mondiale au regard de notre sujet. La durée de cette guerre a rendu plus que jamais nécessaire le recours à tous les outils possibles de mobilisation de la société et de l'opinion. Vous dites, David Collomb, que la propagande est fille de la démocratie, la manipulation de masse dans le monde contemporain est-elle fille de ces guerres, de cette Première Guerre mondiale où il devient nécessaire, en plus avec des moyens considérables, d'endoctriner la population pour la faire agir, et en l'occurrence, l'action, c'est le combat. Des techniques qui, en temps de paix, seraient jugées contraires à l'éthique, sont jugés utiles en temps de guerre lorsqu'il s'agit de les utiliser contre l'ennemi ou ses alliés à l'intérieur. En revanche, là où il s'agit bien d'un creuset de la propagande moderne, c'est du fait que certaines de ces techniques ont immédiatement après la guerre été utilisées à l'intérieur même des pays démocratiques, alors même que ces pays démocratiques comme les États-Unis disaient avoir renoncé à la propagande. La propagande, ici, prend un sens très particulier, car elle peut être qualifiée. Il y a la propagande idéologique, il y a la propagande commerciale, aussi pour vendre. Le moment est essentiel aussi pour la propagande, car à côté de cette propagande idéologique, il y a ce qu'on appelle la réclame, la publicité. Et les deux sont intrinsèquement liés, et à mes yeux, sont parfaitement indissociable. Si vous retracez l'histoire de la publicité au XXe siècle et jusqu'à nos jours, rares sont les exemples de publicitaires qui n'ont pas œuvré à des activités de propagande, notamment en termes de communication politique. Vraiment, les exemples sont très rares. A contrario, les grands publicitaires américains, à commencer par Albert Lasker, Ivy Lee, Stanley Resort et bien d'autres, plus tard David Ogilvy, ont contribué à l'élaboration de techniques qui étaient immédiatement utilisables dans le champ politique. Et on oublie trop souvent que dès la fin de la Première Guerre mondiale, un homme comme Albert Lasker a mis son talent au service des républicains. Et ce n'est pas neutre, dans la mesure où Albert Lasker était un fervent isolationniste, a accepté de travailler pour Harding à la condition que Harding tienne jusqu'au bout sur une ligne isolationniste. Et c'est ainsi qu'un publicitaire, pourrait-on dire, a contribué à faire, faire gagner l'isolationnisme aux États-Unis après la guerre. C'est étonnant parce que nous imaginons le publicitaire, donc commercial, qui n'a pas d'idéologie, qui peut se mettre au service de tout le monde. Dans cette période particulière de l'entre-deux-guerres, il y a malgré tout une volonté d'utiliser les outils avec des voix qui se créent et des voix politiques. Il est facile de les identifier. En fait, il faut travailler sur le parcours de vie de ces gens-là. Sur le parcours de vie de ces gens-là, mais aussi, je crois qu'il faut suivre la trace de l'argent, c'est-à-dire du financement de ces publicitaires. Par qui sont-ils financés? Bien souvent par des grandes entreprises qui ont politiquement des intérêts qui penchent vers la droite davantage que vers la gauche. Et c'est ainsi que de nombreux publicitaires ont été recrutés par le Parti républicain aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres pour mener des campagnes politiques et le plus souvent faire battre des adversaires démocrates qui paraissaient trop dangereux. Le mot propagande est très présent au XIXe siècle. Il y a des journaux qui n'hésitent pas à s'appeler propagande. À quel moment ce mot prend une connotation négative ou, si ce n'est pas négatif, au moins ce mot est dissimulé parce que ça fait un peu sale? Le mot commence à être dissimulé après la Première Guerre mondiale, lorsque la propagande est associée, bien évidemment, à l'ennemi, à l'ancien ennemi. Et le terme de relations publiques tend à s'imposer. Il est imprimé sur ses cartes de visite par Édouard Bernays, célèbre manipulateur de masse. Mais c'est surtout à la fin de la guerre froide que le terme de propagande disparaît totalement au profit de la communication ou des relations publiques. Vous venez de citer David Colomb, Édouard Bernays. Nous l'écoutons. La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses, joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Alors ce n'est pas vraiment Édouard Bernays, nous l'avons entendu, c'est Nathalie Canoui qui lit Édouard Bernays, un ouvrage Propaganda en 1928. Quelle est la place de la théorisation de la propagande dans l'entre-deux-guerres et notamment de ce personnage Édouard Bernays? Édouard Bernays est un personnage très intéressant. D'abord parce qu'il est le double neveu de Freud. Son père a épousé la sœur de Freud. La mère de Bernays était la sœur de Freud. Et son père était la sœur de l'épouse de Freud. Donc il était son père était le frère. Voilà. Le frère de l'épouse de Freud. D'accord. Et ce lien de parenté, il l'a utilisé tout au long de sa carrière pour faire valoir son argument majeur, qui était la possibilité de tirer profit à des fins de propagande des acquis de la pensée de Freud. Lui-même n'a pas vraiment lu Freud. En revanche, il a longtemps échangé avec lui, notamment une correspondance. Il a fait éditer son oncle aux États-Unis et il a compris ce que la psychanalyse freudienne pouvait apporter à la persuasion de masse. Et en cela, je crois qu'il est l'exemple parfait de ce qu'est le propagandiste. Il ne s'agit pas d'un grand théoricien. Il s'agit rarement de quelqu'un de très diplômé. Le propagandiste le plus diplômé était Goebbels, titulaire d'un doctorat, et il n'était peut-être pas le meilleur propagandiste du XXe siècle, contrairement à la réputation qu'il a entrepris de construire. Bernays, en revanche, illustre bien cette idée que la propagande est une science appliquée. Elle tire bénéfice de principes tirés des sciences pour les appliquer à des objectifs très concrets. Dans le cas de Bernays, c'était encourager les femmes à fumer dans la rue, c'était vendre du savon, c'était vendre des cigarettes ou du velours tout au long des années 20 et des années 30. Et dès lors, nous entendons bien, David Collomb, que étudier la propagande, ce n'est pas simplement étudier des discours, parce que nous avons évoqué la publicité, la psychanalyse maintenant. Cette propagande qui s'instaure, cette manipulation de masse, s'inscrit dans l'ensemble de la société. Elle est indissociable des progrès généraux des connaissances de la science et des outils publicitaires. Parmi les auteurs qui ont le plus influencé les propagandistes de la première moitié du XIXe siècle, il y a Gustave Le Bon, la première moitié du XXe siècle, Gustave Le Bon et sa psychologie des foules, qui a influencé aussi bien Adolf Hitler que Albert Lasker, que je citais tout à l'heure. Et ceci parce que la connaissance de cette psychologie collective était immédiatement utilisable à des fins de persuasion de masse. Persuader les masses. Qui a inventé la propagande? Eh bien, peut-être les démocraties. C'est notre question aujourd'hui. France Culture. Quand les Français parlaient aux Français. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Évidemment, Pierre Dac, Radio Paris ment dans le cours de l'histoire sur France Culture. David Collomb, dès qu'il est question de propagande et notamment sur un média, il y a tout de suite l'idée que le média fait lui-même de la propagande. Et au moment où nous parlons de propagande, évidemment, Radio Paris ment est quelque chose qui revient sans cesse sur les réseaux sociaux pour lutter, pour contrer, pour se moquer des radios et notamment de celles de Radio France, France Culture notamment. Il y a quelque chose presque d'épuisant. On n'en sort pas, en fait, de la propagande. C'est comme le sparadrap pour le capitaine Haddock. On en sort d'autant moins qu'il est souvent difficile d'être conscient de toute la propagande à laquelle on est exposé, en particulier de nos jours, lorsque nous passons plusieurs heures par jour devant les écrans et faisons l'objet de campagnes de propagande micro-ciblées. C'est une caractéristique majeure de l'histoire du XXe et de l'histoire du XXIe siècle. Elle est absolument incontournable. Eh bien, c'est pour ça que c'est très bien que vous soyez avec nous pour parler aujourd'hui de la propagande dans cette série consacrée aux mensonges. Allez, il faut y glisser un peu de vérité. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité. Il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité. Il doit être exécuté. Guy Béard qui chante la vérité, toujours un plaisir dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Marie Placet avec aujourd'hui à la technique Swad Boukorsa, la propagande. Aujourd'hui, les démocraties ont-elles inventé la propagande? Et oui, bah pourquoi pas. David Colomb, malgré tout, il y a évidemment dans la lecture de la propagande l'importance des régimes totalitaires du XXe siècle. En quoi, selon vous, cette propagande n'est peut-être pas la plus efficace? La propagande fine et subtile de manipulation de masse vient plutôt des démocraties. Eh bien, pour la raison simple que les régimes autoritaires ont d'autres moyens d'agir sur les comportements des individus que la persuasion. Ils ont la contrainte et la terreur dans le cadre des régimes totalitaires. En outre, depuis la publication intégrale du journal de Goebbels et depuis la publication de la biographie rédigée par Peter Longerich, on a une vision assez précise de la réalité de l'art de la propagande de Goebbels, qui en l'occurrence n'en avait pas véritablement d'art de la propagande. Il était très dépendant de Hitler, qui était véritablement le maître propagandiste de l'Allemagne nazie. Il n'était pas le maître absolu de la propagande, et ce jusqu'en 1945. Il se battait pour, un à un, gagner quelques bastions propagandistes. Et enfin, il n'a cessé dans son journal de se plaindre de l'inefficacité de sa propre propagande au regard des rapports dont il bénéficiait. Là, il faut souligner le fait que la propagande de conquête du pouvoir est plus efficace, de façon générale, que la propagande d'exercice du pouvoir et de conservation du pouvoir. Ce qui, certainement, a nui à la plupart des régimes autoritaires en place qui ont recouru à un culte de la personnalité qui ne trompait personne. Et enfin, n'oublions jamais qu'à la différence du monde dans lequel on vit, il était relativement aisé pour un Allemand dans les années 30 d'échapper à la propagande. Elle était clairement identifiable comme telle. Et puis, dans la sphère privée, on y échappait totalement et on avait une parole libre car elle ne traînait aucun micro. Oui, ce qui permet d'évoquer, David Colomb, ces temps de la propagande. Et vous l'avez dit, il y a le temps de la conquête du pouvoir, une propagande particulière, le temps du maintien au pouvoir, et puis surtout de dissimuler la propagande. En fait, le génie du bon propagandiste, s'il fallait faire un manuel, c'est que la propagande ne doit pas se voir. La meilleure propagande est celle qui ne s'affiche pas comme telle, et celle que l'on ne perçoit pas comme telle. Et à ce titre, aujourd'hui, bien des techniques de propagande sont mises en œuvre dont on n'a pas même idée, précisément parce qu'elles résultent de travaux scientifiques mis en œuvre par d'habiles propagandistes dans le champ politique ou dans le champ publicitaire. Vous auriez des exemples ? Tout ce qui relève aujourd'hui, par exemple, de l'économie comportementale, qui est née de la rencontre entre la science économique et la psychologie, a été porté par un homme comme Richard Thaler, qui a inventé cette technique nouvelle de persuasion que l'on appelle le nudge, ce coup de pouce ou ce coup de coude, qui vise à conduire les individus à prendre d'eux-mêmes la décision qui est bonne pour eux, dès lors que le propagandiste a agi sur l'architecture de leur choix pour les conduire à faire le bon choix. Un propagandiste peut encourager la consommation de salades simplement en plaçant les salades à la cafétéria à la hauteur des yeux. On peut agir sur l'action des individus en recourant à un certain nombre de biais sociaux ou de biais cognitifs clairement identifiés par des générations d'économistes comportementaux ou de psychologues sociaux. La lecture de la propagande, en fait, issue de celle qui était si visible sous les régimes totalitaires, a conduit à sa dénonciation. C'était quand ? C'était en 1948, autrement dit en 1984. Sur une plateforme drapée de rouge, un orateur du parti intérieur, un petit homme maigre, aux longs bras disproportionnés, au crâne large et chauve sur lequel étaient disséminées quelques rares mèches raides, haranguait la foule. C'était une petite silhouette de baudruche hygiénique, contorsionnée par la haine. Une de ses mains s'agrippait au tube du microphone, tandis que l'autre, énorme et menaçante, au bout d'un bras osseux, déchirait l'air au-dessus de sa tête. Sa voix, rendue métallique par les haut-parleurs, faisait retentir les mots d'une interminable liste d'atrocités, de massacres, de déportations, de pillages, de viols, de tortures de prisonniers, de bombardements de civils, de propagande mensongère, d'agressions injustes, de traités violés. Il était presque impossible de l'écouter sans être d'abord convaincu, puis affolé. La fureur de la foule croissait à chaque instant, et la voix de l'orateur était noyée dans un hurlement de bêtes sauvages qui jaillissait involontairement des milliers de gosiers. Les glapissements les plus sauvages venaient des écoliers. L'orateur parlait depuis peut-être 20 minutes, quand un messager monta en toute hâte sur la plateforme et lui glissa dans la main un bout de papier. Il le déplia et le lut sans interrompre son discours. Rien ne changea de sa voix ou de ses gestes ou du contenu de ce qu'il disait. Mais les noms, soudain, furent différents. Un extrait du roman 1984 de George Orwell, lu par Nathalie Canoui. David Colomb, Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain, votre ouvrage. Nous entendons celui de George Orwell, donc publié en 1948, après-guerre, qui dénonce la propagande, la manipulation de masse, mais celle qui est visible. Les États totalitaires ont mis en place une propagande tellement visible qu'elle a servi, en fait, après, parce qu'elle a dissimulé toutes les autres formes de propagande. Elle a attiré l'attention du plus grand nombre. Et quand on songe, par exemple, à 1984 d'Orwell, on songe immédiatement à la propagande totalitaire, alors même qu'Orwell, qui a été lui-même propagandiste pendant la Seconde Guerre mondiale à la BBC, dénonçait aussi le recours à la propagande par les démocraties en temps de guerre. Il a dénoncé avec talent le recours à l'euphémisation de la réalité. Il a ainsi dénoncé un usage non éthique de techniques de persuasion. Et pourtant, c'est la figure de la propagande totalitaire qui s'est imposée parce que il s'agissait de la propagande de l'ennemi. Et on tente à associer le mot propagande à l'action de l'ennemi pour, en quelque sorte, mieux le disqualifier. C'est un terme considérablement disqualifiant dans le cadre de la guerre froide et depuis lors, lorsque l'on qualifie de propagande une information qui nous déplaît. Est-ce que propagande veut dire mensonge ? Propagande veut bien souvent dire vérité. Et c'est une chose assez frappante, en particulier chez Goebbels, qui, à la différence de son maître Hitler, était attaché à la véracité des faits. En revanche, ce qui était déformé, c'était l'interprétation de ces faits mise au service d'une propagande mensongère. Il est toujours très dangereux d'assimiler la propagande au mensonge, car on peut tomber dans les griffes du propagandiste qui, à un moment donné, dirait la vérité à des fins de manipulation. C'est si pervers que ça, ça fait extrêmement peur, cette propagande, notamment la propagande d'après Seconde Guerre mondiale, cette propagande dans les démocraties. Malgré tout, dans le contexte de la guerre froide, la question se pose de la propagande, du mensonge, de la vérité. Vous nous dites, David Colomb, que la propagande peut porter une vérité. Elle peut aussi porter un mensonge. En fait, la question vient de qui décide de ce qu'il faut propager. Oui, mais rien n'est plus efficace. Et c'est un acquis, notamment de la publicité moderne, rien n'est plus efficace que le fait vérifiable. Parce que dès lors que les individus s'entendent sur le fait, ils sont plus facilement influençables par l'interprétation qui en est donnée. C'est subtil, c'est délicat, cette propagande d'après Seconde Guerre mondiale, surtout quand Rio ne répond plus. Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Bah, diable. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers ? La plupart n'en ont pas. Elle est bonne celle-là, pas de souliers. Ça, j'avoue. Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. Et bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Jean Dujardin est OSS 117 dans le film OSS 117, Rio ne répond plus. Trait d'humour De Gaulle, le général De Gaulle, démocrate s'il en est, et pourtant avec un fonctionnement de la diffusion du message politique qui est discuté et contestable. David Colomb, où sommes-nous à ce moment-là? Nous sommes dans une manipulation de masse ou une diffusion de l'information voulue par le pouvoir? Nous sommes à l'apogée d'un type de propagande que l'on appelle la propagande, la fabrique du consentement, qui consiste pour l'autorité au pouvoir à conduire les citoyens à consentir à toutes les mesures qui sont prises par cette autorité politique. Et en l'espèce, le général de Gaulle, qui considérait à tort faire l'objet d'une hostilité de la part de la presse écrite, a fait le choix d'appuyer l'ensemble de sa communication sur la télévision et sur la radio, qui était alors monopole d'État, dans le cadre de ce qu'il convient d'appeler une propagande de type vertical, dont beaucoup de dirigeants politiques se sont inspirés depuis lors. Mais ce qui était efficace, peut-être, à l'époque du général de Gaulle, l'est beaucoup moins aujourd'hui, dès lors que cette propagande verticale est concurrencée par une forme de propagande horizontale qui repose notamment sur les réseaux sociaux. Dans l'histoire de la propagande, David Colomb, il y a également celle des progrès techniques. Et depuis que nous discutons, là, dans cette émission, sur France Culture, nous entendons bien qu'il y a des moments particuliers où la propagande peut prendre des voies, celle de la télévision, celle du cinéma, aujourd'hui celle des réseaux sociaux. La propagande est-elle tributaire de ces progrès techniques? Change-t-elle, par exemple, avec les réseaux sociaux? Marshall McLuhan a, le premier dans les années 60, montré clairement que chaque médium était porteur de son propre message. Et ce message est en quelque sorte instrumentalisé par la propagande à des fins de persuasion, dans la mesure où chaque type de médium, chaque type de média est porteur d'un type de communication particulier. La radio, par exemple, se caractérise par la chaleur humaine, qui permet d'agir beaucoup plus facilement sur les émotions des individus que ne le fait ce média froid qu'est la télévision aux yeux de Marshall McLuhan. Beaucoup de théoriciens de la propagande ont compris l'usage qui pouvait être fait de ces nouveaux outils et Internet n'a pas échappé à cette règle. Alors Internet n'a pas échappé à cette règle et au contraire même, nous le voyons sur les réseaux sociaux, avec la construction d'une contre-propagande systématique au sens où chaque message véhiculé a son pendant contraire qui alimente aussi la propagande, c'est-à-dire que les messages sont sans cesse diffusés et avec ce jeu de miroir pour, contre et argument, eh bien on a cette propagande, cette manipulation de masse qui fait notre quotidien. Et ce quotidien est un quotidien orchestré. J'entends par là qu'un certain nombre d'individus ont rapidement compris quel pouvait être l'usage des réseaux sociaux à des fins de propagande. Je songe à Steve Bannon, dès la fin des années 2000. Steve Bannon, qui est l'initiateur de Cambridge Analytica et qui est l'initiateur d'une insurrection de la droite alternative américaine qui s'appuie exclusivement sur les réseaux sociaux. Et il n'est pas tout à fait anodin de relever que le président Trump a gracié en dernier Steve Bannon, son ancien conseiller, sur lequel il compte bien s'appuyer pour son éventuelle reconquête politique. Internet est aussi un outil au service de la publicité et les acteurs majeurs de la publicité aujourd'hui sont Google et Facebook qui ont eu à cœur, bien évidemment, de monétiser toujours davantage leur connaissance intime du comportement des internautes. Et cette monétisation a conduit à la création d'outils qui ont rendu la publicité redoutablement efficace à travers une segmentation du public qui n'était plus seulement une segmentation géographique ou par niveau de revenus ou par niveau d'études ou par profession, mais une segmentation psychographique, c'est-à-dire psychologique. Et ce grand tournant de l'avènement d'une segmentation psychographique est décisif pour les évolutions de ces dernières années. Je songe au Brexit, je songe à l'élection de Donald Trump, je songe à la campagne à laquelle nous venons d'assister aux États-Unis, c'est-à-dire l'instrumentalisation à grande échelle de ces outils publicitaires à des fins de déstabilisation politique. À des fins de déstabilisation, alors qu'en 1986, heureusement, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on pouvait dire plein de choses dans les médias. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. En 1986, après l'incident de Tchernobyl, bah, dommage pour les Suédois, dommage pour les Italiens, mais tant mieux pour les Français, parce que nous avions l'anticyclone des Açores qui bloquait aux frontières l'arrivée des particules radioactives. C'était le journal télévisé d'Antenne 2. David Collomb, ici nous sommes dans quoi dans ces années 80? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait des journaux, et puis il y avait la discussion des gens qui disaient, mon Dieu, là, que nous dit-on? Nous sommes dans du mensonge, dans de la propagande? Nous sommes à une époque qui était celle de médias en capacité d'influencer les convictions des individus, parce que les journalistes faisaient fonction de portiers de l'information. Parce qu'il était très difficile aux individus d'accéder à d'autres informations que celles délivrées par les médias ou par la librairie, enfin par les livres. Alors qu'aujourd'hui, Il est très facile, au contraire, d'accéder à des informations différentes. Il est très facile de se faire, entre guillemets, sa propre opinion. Le problème de sa propre opinion, c'est qu'il s'agit souvent d'une opinion que l'on a et que l'on entend garder et que l'on entend conforter par le choix des informations que l'on retient. C'est le fameux biais de confirmation qui se double d'un biais d'exposition sélective et d'une quantité de biais psychologiques qui ont pour conséquence cette situation tout à fait étonnante que nous connaissons aujourd'hui, de millions de personnes qui sont convaincus de choses tout à fait étonnantes telles que la platitude de la Terre. C'eût été impensable en 1986 et c'est aujourd'hui possible. Alors bien sûr, Internet permet de contourner des opérations de propagande comme celles que vous venez de rappeler. Mais Internet permet aussi le pire, c'est-à-dire de conforter des individus en masse dans des opinions non seulement fausses mais dangereuses, et le plus souvent ils y sont encouragés par des propagandistes qui cherchent à semer la discorde, qui ne fabriquent plus le consentement, mais le dissentiment, qui ne cherchent plus à remporter des campagnes politiques en faisant campagne au centre, mais en rassemblant les extrêmes, qui ne cherchent plus à sauvegarder des institutions, mais à les détruire. Nous sommes en présence d'un phénomène, à mes yeux, extrêmement dangereux pour nos démocraties libérales. Les démocraties qui ont porté la propagande, qui l'ont utilisée, peuvent être aujourd'hui victimes d'autres formes de propagande, aussi fines, aussi insidieuses. Et tout de suite, nous allons nous dire, mais éduquons, réfléchissons, lisons, informons-nous. Et pourtant, David Collomb, vous dites que le niveau d'instruction n'est pas la solution, en fait, pour réussir à parer cette propagande aussi fine. C'est étonnant, mais Jacques Ellul, le premier, l'avait montré en 1962. Plus on est éduqué et plus on est soumis à la propagande. Précisément parce que, étant éduqué, on lit, on s'informe, on suit l'actualité et donc on s'expose. Et on n'est pas toujours en capacité d'identifier la propagande. Et plus on a le sentiment d'être en capacité d'identifier la propagande, et plus souvent on tombe dans le panneau en quelque sorte. L'instruction n'est pas nécessairement la seule réponse. C'est une réponse, bien évidemment, mais je crois que prioritairement, il faudrait s'atteler à la source de nos difficultés, c'est-à-dire ceux qui encouragent le recours à des propagandes ou à des manipulations massives. J'entends par là ceux qui concourent dans un objectif politique ou dans un objectif industriel. Mais alors, comment lutter contre ces propagandes-là? Nous entendons bien qu'il y a cette volonté pour certains d'enrichissement, il y a des volontés politiques aussi de déstabilisation, mais il est très difficile de lutter contre une propagande sans toucher à la liberté d'expression. Si l'on considère effectivement que la propagande est un danger pour les démocraties, la question n'est pas alors de remettre en cause la démocratie elle-même et ses valeurs. Il est dangereux de prendre des mesures liberticides en l'espèce. En revanche, on peut s'interroger sur le dévoiement de la démocratie, notamment par le financement des campagnes politiques ou de la vie politique en général, comme Julia Cagé l'a montré récemment dans son ouvrage Le prix de la démocratie. Je vous donnerai un seul exemple. Est-il tout à fait anodin qu'en 1981, le président Ronald Reagan déclara que les arbres polluaient plus que les voitures? Ce n'est pas anodin, puisque cette phrase a été prononcée dans un contexte qui était celui du financement de sa campagne par des industries polluantes. Si les industries polluantes n'avaient pas mené pendant des décennies une campagne contre l'idée même du changement climatique et du réchauffement climatique, en serions-nous aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes? Personnellement, je ne le crois pas. Il y a là une responsabilité fondamentale et collective qui est celle du financement de notre vie politique, celle de l'indépendance en quelque sorte de notre vie politique vis-à-vis d'intérêts privés. Et je songe bien évidemment aussi à l'indépendance des médias vis-à-vis du financement privé. David Collomb, à Sciences Po Paris, vous enseignez l'histoire de la propagande, les techniques de persuasion et l'éthique de la communication. Vous arrivez donc à décrypter les techniques de persuasion. Ça va? La vie est tranquille? C'est pas trop dur de regarder les réseaux sociaux tous les jours? Il ne faut pas regarder les réseaux sociaux tous les jours. Je crois qu'il faut lire des livres tous les jours. Et on échappe ainsi à l'un des biais majeurs des réseaux sociaux, c'est leur caractère délibérément addictif. Ils ont été conçus comme des outils addictifs, ils ont été conçus comme des outils visant à hacker en quelque sorte notre attention et notre cerveau, le plus souvent à des fins publicitaires. Et il est bon parfois de se détacher de l'actualité et de se plonger dans de bons livres. Voilà, et ben parmi les bons livres dans lesquels il est possible de se plonger, il y a le vôtre, David Collomb, Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain. Il y a une grande version chez Belin et une version poche chez Flammarion. 17 février. Voilà, 17 février va sortir bientôt. Mais en tout cas, merci vivement à vous de nous avoir expliqué ces mécanismes et surtout cette histoire de la propagande, une propagande née dans la démocratie avec cette idée que, eh oui, propagande ne veut pas toujours dire mensonge. Ça, faut s'en rappeler. Et puis, il faut lire aussi les journaux. C'est important, les journaux, notamment le journal de l'histoire, celui d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, bientôt le retour de Mein Kampf d'Hitler en librairie. C'est une dépêche de l'agence France Presse, largement reprise par les sites d'information qui l'annonçaient il y a quelques jours. Une nouvelle édition française de Mein Kampf paraîtra en 2021. Objet a priori terrible, déjà publié en France en 1934 et en 1938, ce texte est souvent considéré comme la matrice idéologique des crimes du nazisme. Il y a 5 ans, le débat avait fait l'actualité. Fallait-il rééditer Mein Kampf en France? Les droits étaient tombés dans le domaine public en Allemagne, où un groupe d'universitaires préparait une solide édition scientifique, parue depuis et vendue à 100 000 exemplaires. Lorsque le bruit d'un projet de réédition en France avait couru, on avait imaginé avec angoisse Mein Kampf trônant en tête de gondole des points relais de toutes les gares de France. Redonner matière à l'objet d'incarnation du plus grand génocide jamais commis, était-ce vraiment souhaitable? Les éditions Fayard avaient assuré qu'un comité d'historiens serait sollicité pour établir l'accompagnement scientifique du texte à paraître dans la nouvelle traduction de Laurent Manoni. Les spécialistes français du nazisme restaient pourtant divisés sur le sujet. Pour Johan Chapoutot, la focalisation sur l'objet livre destiné à circuler dans le grand public risquait de faire renaître son aura de Bible et surtout elle marquait une régression historiographique dans l'approche du nazisme et de ses crimes, à rebours des recherches qui avaient largement démontré qu'Hitler, sa pensée et ses actions n'étaient pas suffisants pour expliquer l'ampleur des crimes commis en son nom. La vision du monde nazi n'était pas l'élaboration d'un seul homme, mais une production collective de milliers d'intellectuels, comme l'expliquait l'historien au micro de Cécile de Kervas-Douai en 2017. Hauts fonctionnaires, juristes, professeurs d'université, journalistes, professeurs, scientifiques de tous ordres, idéologues divers, des rédacteurs de fascicules de formation, des jeunesses hitlériennes par exemple, ou de l'ASA, ce sont eux qui sont véritablement producteurs d'idéologie. Ce sont ces gens-là qu'il faut lire, ce sont ces gens-là qui élaborent au quotidien et au plus près des acteurs des crimes nazis cette vision du monde-là qui légitime la violence, qui légitime le meurtre et qui légitime le crime. Johann Chapoutot militait contre la matérialisation de ce manifeste nazi aux usages risqués et pour une éventuelle édition numérique accompagnée des informations contextuelles nécessaires à sa compréhension en tant que document historique. Pour Christian Ingrao, membre de l'équipe à l'œuvre dans l'élaboration de la nouvelle édition française, il était aussi temps de sortir des fantasmes qui entouraient ce livre. Son édition scientifique participerait à sortir des idées reçues autour d'un texte éructant et antisémite rédigé dans les années 20, mais qui ne contenait pas en lui-même le projet de meurtre de masse qui avait conduit à l'extermination des Juifs d'Europe, décidé à la fin de l'année 1941. L'édition scientifique contribuerait justement à sortir de l'hitlérocentrisme dans la gestation de la solution finale. Un même projet pour les deux historiens, désarmer un objet fantasmé, mais deux approches quant aux modalités de sa circulation dans l'espace public. Merci beaucoup Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudas, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, une histoire du mensonge. Mais qui dit vrai et qui dit faux? Calomnie, rumeur, murmure, comment circulaient les fausses informations? Les démocraties ont-elles inventé la propagande? Mythes nationaux et faussaires en peinture? Tout est mensonge et propagande. Eh bien, nous allons essayer d'y voir plus clair toute la semaine avec des émissions à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Oui, demain, nous nous intéresserons à la manière dont circulaient les fausses informations.